problème. Tu peux mettre un deuxième micro. Et ensuite, c'est pas fini. Je sais pas si je vais l'utiliser. Tu vas voir, tu vas voir, est-ce que tu pourrais elle va faire le mission là. Elle est là. Dune. Jason, tu peux jouer à côté. Mais en fait, il y a quelqu'un qui faut qu'il mette un micro sur les tambours pendant qu'elle fait la voix. Non, c'est bon, ça va aller. Je suis en train de faire mon truc là. Attends. L'autre fois, c'était génial que tu es parti sur le serpent. C'est vraiment de l'impro, hein. Je ne peux pas faire la même chose. Hein. Je sais, mais pour que tu puisses avoir les outils à côté de toi. Et Albert, tu l'as. Non, mais il y a un instrument, tu l'as. Tu amplifies les tambours. Ouais, c'est juste, regarde, tu tournes ton micro. C'est là. Ah, celui-là. Mais oui. Tu les mets en direction du tambour. Bon, on commence dans combien de temps là? Ça, c'est chiant. Ah, en fait, il faut le petit. Je vais prendre 2 secondes. Voilà. Au début, par contre. Oui, j'entends, regardez. Ok, ça marche, là, c'est parfait. Et quand je m'en vais, t'oublies pas d'enregistrer, hein. Quand vous allez... Oui, c'est ouais, ça. Ouais. Mais attends, pourquoi on n'entend pas? Hello les amis. D'accord. Très bien. Hello les amis. Bon. Ok. Joanne, c'est toi qui va. Ok, ça marche. Ouais, ça marche. Après, tu présentes elle. Déjà, je vais faire un tour de table. Je présente tout le monde. Oui, c'est bien. Ça marche. Mariella. Violet, c'est parfait hein, aussi. Hein. Les crèmes de cannabis. Violet. Violet. Tu récupères et tu fais des bonnes patates. Ah, le sorcier, le bonheur de Julien, attention, le bonheur. Aïe. Et le malheur de Martin. Aïe. Oui, ça allait pas y gratter, moi je me dégratte. Tout à l'heure tu manges toi. Tout à l'heure tu manges. Non mais t'as droit. Bon, ben, est-ce qu'on passe à... On y va là. On y va. Dune, c'est toi qui te commences. Alors, toi, tu es pas là. 3 minutes. Attends. Oh, ça va aller. C'est. On reste une demi-heure. Comme moi, une demi-heure. On passe à quoi, l'artiste Martin? T'appelles qui là? En live. Non, je suis en train de voir si on passe. Attends, moi, c'est. Tu peux envoyer un texto rapidement à ta femme. Ok, non, ça marche, on est on a un problème des piles tout le temps, mais bon, ça c'est pas... Est-ce que tout le monde est concentré et content? Oh. Je suis bien là. Ça y est, j'ai rien à foutre là. Moi, frère, je vais prendre la place à Martin. Tu vois, que je fasse quelque chose avec des artistes de haut niveau. Si tu veux, frère, je prenne ta place en mercredi, il faut que tu viennes. Non, mais faut que je prenne ta place carrément, faut pas que tu sois là. Ou alors, faut que tu sois sûrement des accusés là. Tu m'éclates. Tiens, prends le micro et parle-nous un peu de ta vie. Tu m'éclates. Tiens, prends le micro numéro 1. Ça marche que. Martin, tu viens d'où? Tu fais quoi dans la vie? Ah merde. Oh putain, Dieu, il a dit stop. Martin, si tu m'entends, puisque tu nous as tous présentés, présente-toi à nous. Tu fais quoi dans la vie, Martin? Tu viens d'où? Ouais, je viens de l'amour. Ah, je viens de l'amour. Ouais, la planète. T'as fait rigoler tout le monde. Hey. Voilà, deux minutes, on commence. C'est Johan qui va présenter. Tu l'as dit l'amour. Ouais, l'amour. Où je suis né? Ah, je suis né au Chili. Chili. Santiago de Chili. Voilà. Santiago Bernabéu aussi. Papier de chulo ou papier football? Non, j'ai papier football légal. Ah, bah moi aussi. J'ai la prochaine réincarnation. Papi chulo. Hey, papi, venga mi. Ah, moi, Sonny, papi chulo. Tiens, passe à Johan qui va commencer l'émission. On va chanter. Après, il faudrait que vous le passez en micro aussi. Hein. Papi chulo. Bon. 1, 2, 1, 2. Mettez-moi un peu plus de retour. Un peu plus de volume dans mon micro, s'il vous plaît. Et mets la baffe en route, s'il te plaît. Parce qu'on va essayer de faire ça en rythme. Après, si quelqu'un veut prendre le djembé, tranquille. On est là ensemble, ça va quoi? Tu dis quoi, mon gars? Pop. Tranquille, au calme. Martin, c'est bon? On s'attaque aux choses sérieuses maintenant. Martin, tu fais quoi dans la vie? Ça commence dans 20 secondes. Dans 20 secondes. Vas-y, mets-moi en premier. 10, 9, ah non, on est 20. Mets-moi en premier. 19. Non, on commence par moi. T'as pas annoncé, t'as pas dit. Je vous présente Yo-Yo. Je vous présente. Ouais. Yo, c'est quoi ton blaze? Bonjour. Nous sommes pas en direct. C'est bon, on est en direct. Yes, I, big up. Bonjour, tout le monde. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Et toi, mon gars? Ok. Aujourd'hui, nous sommes à la radio Metayoya et on va mettre le feu. On est sur la pointe. Prenez place, les gens. Prenez place, les gens. Bon, nous, on voulait rapper. Moi et Yo-Yo, on avait un truc à dire. Ouais. On va faire un petit instrumental. Si tu peux poser une On la fera après. Non, on la fait tout de suite. Non, frérot. Non. Frérot, c'est moi qui commence. Ah, excuse-moi. C'est moi qui commence. Alors, le titre de la chanson, c'est Bonheur de Julien Carrado. Si vous pouviez trouver sur internet. Tu fais quoi maintenant? Je fais de l'acapella, je fais quoi? Ouais, fais de l'acapella, mon gars. Bah attends. C'est quoi ton blaze? Mais je commence. T'as dit que tu commençais pas. Tu fais de l'acapella, c'est quoi ton blaze? C'est Julien Carrado. Moi, j'ai pas assez de son dans le micro, s'il vous plaît. Vous pouvez mettre Moi, je m'entends pas. Mais bon, voilà, c'est vrai. Pendant que tu cherches. D'habitude, on me dit chuchote. Pendant que tu cherches, on va aller sur Cadra. Bonjour, on va aller sur Cadra. Bonjour, je m'entends pas. Attends, c'est normal. Oh là. Ouais. Je m'entends pas. Il faut parler. Sur le micro. Mes amis, il manque d'une au micro, s'il vous plaît. Vous pouvez rajouter du volume. Je suis là. Mettez du son. Volume dans son. Voilà. Ok, yes, ça. Pourtant, on l'entend. Moi, je l'ai. Mais d'une, tu l'as? Dune, reprends le micro. Ouais. Dune. Oui, je suis là. Vous êtes là? Non. Oui, on est là, Cadra. Elle a pas assez de volume. Ça va, Cadra? I'm here. Ok, yeah, ok. Man. Alors, Cadra, comment vas-tu aujourd'hui? I'm fine, you. Ok. Alors, aujourd'hui, tu veux nous parler de la douceur? Yes. Et comment tu veux nous parler de la douceur? J'ai envie de parler de douceur dans ce. Mais comment? Tu préférais pas chanter? En fait, je voudrais faire une sorte de patchwork de sentiments, de sensations. Un patchwork de couleurs de ce soir? Un patchwork de sentiments, de sensations, vas-y. De couleurs, d'odeurs, de parfums, de grains de sable et de raisins. Donc pour cela, il faudrait que vous partiez avec moi dans l'univers que je vous invite à regagner avec moi. C'est ce qui s'appelle l'univers de la sérénité. Profonde. Il faut respirer, souffler et s'imaginer au loin, en train de regarder l'horizon. Et juste le sable sur les pieds et le vent qui souffle dans nos oreilles. Voilà. Je vais vous raconter l'histoire d'un vagabond, un gentil vagabond. Il disait laisse béton. C'est un vagabond qui a un cœur grand, gros, mais qui a le cœur lourd. Et parfois, il lui arrive très souvent de chanter et de fredonner une petite chanson qu'il aime beaucoup et qui est celle-ci. C'est la vie qui vient, qui va, je ne sais pas où elle mène. Et la route qui s'en va, je ne sais où elle me mènera. À travers les plaines, à travers les monts, je vais le cœur en fête. Je suis un vagabond. Laisse béton. Ce n'est pas terminé, mes amis. Yes, Dune va entrer dans la partie. Ma vie n'est pas toujours drôle. Parfois il pleut, pourquoi tu parfois il neige. Mais quand le beau temps le vient, je suis heureux, il le montre bien. À travers les plaines, à travers les monts, je vais le cœur en peine. Je suis un vagabond. Les gens me montrent du doigt, mais leur regard n'est pas amer. Mais je me moque bien d'eux, car je sais bien qui est le plus heureux. Je vais continuer toute seule à raconter ce que je pense de cette chanson. Elle me fait penser à toutes les personnes assises dans les coins des rues de France, ou d'ailleurs, dans un coin, un recoin. C'est très difficile pour moi de parler lorsque quelqu'un d'autre parle avec à côté de moi. C'est très compliqué. Vous savez pourquoi ? Parce que dans mon esprit, ce sont comme des petites fourmis qui grignotent les mots. Et je vais céder ma place à quelqu'un d'autre. Et je vous dis au revoir et à la prochaine, je l'espère. Oh ! Bravo, bravo, bravo, bravo. Bravo. Merci beaucoup. Merci, bravo. Ouais. Elle nous a lâché un la mic drop là, magnifique. Ouais, ok, ok, ça continue. Vous êtes toujours avec moi ? Ouais, ouais. Le tour de Jason. Jason. Comment vas-tu, Jason ? Super, Jason, ça va ou quoi ? Ouais, ça va. Alors aujourd'hui, tu nous parlais du rap un peu ? Du rap. T'as le flow un peu d'un rappeur, tu sais ? Ouais. On te le dit souvent ? Non. Alors qu'est-ce que tu, de quoi tu veux parler avec le rap ? C'est quoi pour toi le rap ? C'est les plus grands rappeurs qui ont existé. D'accord. Comme dis-moi, cite un nom un peu. Big Flo et Oli. Ok, ah ouais. On le connaît. Ah ouais. Ça c'est la légende du rap, ça. Hein. C'est la légende du rap, comme on dit. Vas-y, Jason, pars. Je déconne, Jason. Le rap pour toi, c'est quoi ? Le rap pour toi, c'est quoi, moi ? C'est super. On peut exprimer quoi dans le rap ? Dis-moi un peu. Les rimes. Les rimes, les émotions, ouais. T'as bien compris ? Ouais. Et quoi d'autre encore ? Dis un peu. Le vrai truc du rap, pourquoi ? Quand ils sentent les nouveaux morceaux et tout. Ok. Les albums et tout ça. Ouais. Ouais. C'est quoi ton morceau préféré, Jason ? La vraie vie. Oui, tu pourrais chanter un petit flow, vite fait, comme ça ? Non. Je connais pas. Jason. Hey, Jason, tu nous fais. T'as une instru quand même, je sais pas, mais t'es là. Je vais mettre avec ma musique. Vas-y, ça et rigole. Jason va nous faire un petit flow, attention. C'est Big Flo qui fait Oli. Jason. Jason, attention, on est avec toi, Jason. Prêt, Jason ? C'est en train de faire ? C'est en train de charger ? Ouais. Mais le volume, il faut mettre le volume, peut-être. Donnez-moi un autre super. Calme. Un autre micro. Avec le micro, ça le faisait, hein. Ah, merde. Qu'est-ce qui se passe ? Attends, t'inquiète, Jason, t'inquiète. C'est de la magie. Ah, ils vont me donner. On entend quand même. On peut parler, on attend des micros de l'ordre. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez faire n'importe quoi. Et puis j'ai de là, je vais gérer la radio tout seul. Comme ça. Vas-y, moi je t'écoute. Déjà. Oh, Jason Bousley, il rappe un peu. Tu me donnes depuis le Kaline, s'il te plaît. Donne pas les piles panasoniques, là, ça sont pas chers. Garde 4 piles alcalines à côté, repère. C'est sur un plan vert, de l'autre côté. Mais aussi de voir Jésus, mais aussi de nous voir. Faut l'abranger ça, c'est 22 ans, attention. Oh. Allez, faites du bruit. Jason. Moi j'en ai une en acapella pour lui. Allez. Avec la même instru s'il vous plaît. Silence, silence les gars, silence. Tu peux remettre ton téléphone Jason. Je te dédicace un petit morceau. Jason. Jason. Tu m'entends Jason? Tu remets l'instru? La même? Ouais la même. Il va te faire un truc pour toi, il va te faire un truc pour toi. C'est vraiment la famille quoi. Tu vois un peu, t'inquiète. Non t'inquiète, t'inquiète, il va te chanter, t'inquiète. ça va repartir. Sauf que là, c'est avec Makaya. Attention, attention, attention. Perturbation lyricale là-bas, là. Attention, attention, attention. Ça va partir. Yeah. Ça va commencer. Rrr. Tu peux entrer dans la partie, Renaud, attends, tu sais qu'on est là. On est là, on est là, on est là. Du Cameroun jusqu'au Cap-Vert, on a mangé du chikungunya. Yeah, le Jason à la lumière. D'esprit, je passe en terrestre. Je suis l'homme naturel de référence, mais je suis un acte extrêmement différent. Non, je t'ai dit, attends, j'ai un morceau, mais l'instru n'a pas commencé, man, attention. Ça va démarrer. On va le faire a cappella ou quoi? Il y a pas assez de baffe dans ce son pour lui et moi. Ça arrive. Non, non, en fait, c'est pas une bonne instru pour lui et moi. Je veux une autre instru, s'il vous plaît. Changez l'instru, s'il vous plaît. Tu veux quoi? Tu veux quoi pour l'instru? T'as du YouTube? Ouais, t'as du YouTube. Mets sur YouTube. Mets une instru cheap comme tu veux. Au pif. Au pif. Au pif. Ton chanteur préféré, frère. Condition de 50 Cent. Condition de 50 Cent, elle est rythmique, cette line. Non, laisse-le faire. Ok. C'est lui qui choisit. C'est qui choisit. Il nous a parlé des rappeurs préférés. Mets-nous tes rappeurs préférés, voilà, les légendes, ça, les Tupac, ça, les trucs, Tupac, ce que tu veux, Maga. Mets-nous du Tupac, man. Mets-nous du Tupac, man. On va get up sur du Tupac, man. Tupac, Tupac, Tupac, Tupac, Tupac. Jason me donne envie. Hey, attends. Jason me donne parfois l'envie de chialer. Écoute, écoute, écoute. Attends, écoute ça, écoute ça. Du Tupac, ma gueule. Ça, c'est de la merde. Arrête ton truc, s'il te plaît. Jason, ça va? Mais pendant qu'on trouve autre chose. Là, c'est très cheap. Tu peux, Johan, bon. Peut-être pendant qu'on trouve autre chose, tu peux. Tu peux nous mettre la baffe, c'est possible. Mais je peux avoir des écouteurs qui fonctionnent. Les écouteurs, il n'y en a pas. Que ça soit du carré. On va faire à l'ancienne alors. Vas-y, on va kicker comme dans la cité. Ah, sweet! Tu te rappelles de l'hôtel EasyJet? Easy Hotel, Makaya dans le système, Bumba Sidja, Loco Loco, il y a la photo sur Facebook. Ah, souhait! Justement, il fallait présenter les artistes qui me représentent. Je connais que dalle, moi. Je connais rien. Et toi, tu m'as pas vu, mais on se connaît. Yeah. Je peux monter le volume de la basse, attends. Trop le truc. N'aie pas peur, n'aie pas peur, Jason. Il a, voilà, monte le volume. Monte, monte, monte, monte, monte, monte. Vas-y, c'est bon. Fais un pull-up, l'ancien, sur l'instru. Ouais, je parle pendant ce temps parce qu'apparemment. La baffe, s'il vous plaît. La baffe, s'il vous plaît. On va le faire à l'ancienne parce que vas-y. T'as pas un casque, frérot, on peut pas le mettre en Bluetooth. Bah, tu sais quoi, vas-y, on enlève et vas-y, On va faire l'ancien. Ouais, il est relou, lui. Et alors, pendant qu'on s'est calé pour faire la... Yeah. Mets-moi du micro, s'il te plaît, par contre, parce que j'aime bien m'entendre dans le casque et dans le volume. Mets-moi du volume. Ça va, là. Du volume, plus de volume. Okay. Je m'entends pas. Ok, ouais, tu m'as pas mis l'instru. Oh, ouais, alors, pendant qu'on s'est calé, Radio Metanoia, on a... Tout le monde veut parler, mais il y a des gens qui veulent parler. Bon, on va pour l'instant que là, ça se concentre pour l'équipe Sécale par rapport aux instru. Johan, on pourrait. Ouais, on va parler. Ouais, mais on va comme ce rap. On va revenir sur ces rap là. Ce rap va venir, t'inquiète pas, ça va être du show. Ça va être du show, ouais. Pas possible. Vas-y, Johan, okay, c'est quoi les programmes suivants là? Qu'est-ce qu'il y a pour l'instant? Vas-y. Cool. Tu mets quelque chose, tu nous mets rien. Alors. Yeah. Un. On enlève les parasites. C'est pour toi. Jason. Makaya. Pour écrire un petit son de voix. Jason me donne parfois l'envie de chialer. Mais dans la street, c'est pas un bébé. Il vous mange en jet li. Et moi, toi-même, tu sais, c'est Makaya quand j'en dessous de Jack D. Je finis par vous harceler, vous prendre pour des bébés. Et le lendemain, je m'en souviens plus. Donc si je te parlais de mon petit frère à côté de moi, il est possédé. Par les piles d'un démon, d'un enfoiré. À notre tape, il n'a pas voulu donner l'instru, ni la baffe, on s'est servi. Niquez la vie, vous corrigez, vous réglez. Jason et moi, on aimerait une planète propre. Il a 22 ans et il va trouver une dulcinée. Parce que toi-même, tu sais qui sait les trouver. Car il sait qu'il y a des anges purs et des diamants. Moi, tu me reconnais, c'est Makaya, évidemment. Pull up, pull up, pull up, pull up. Jason me donne parfois l'envie de chialer. Mais dans la street, c'est pas un bébé. Il vous mange en jet li et moi, toi-même, tu sais. Je finis par vous harceler et le lendemain, j'ai tout oublié. Donc, si je te parlais de mon petit frère assis à côté, c'est Jason, il entre dans le king, dans la danse, il est en transe. Il a envie de vous péter, à chaque fois il vous regarde comme un enchaîné. Mais en fait, il vous prend tous pour des tarés. Et Martin est servi à sa table, c'est enfoiré. Parce que moi, ses yeux de sultan, Saiyan Supa, il nous a montré. Et dans les siens, je me reconnais parce que ma couleur de cœur, évidemment, c'est le Renoir. J'ai mangé la Black Woman avant que tu sois né. T'inquiète pas, j'ai un zizi d'enfoiré. Connaissez mal, et c'est le Jack D, un peu foncé, un peu bleu. Il m'a surtout dit qu'il y avait des meufs qui voulaient me baiser. Mais moi, sur son fauteuil, je me suis assis tranquillement. J'ai dormi comme un enfant. Je me suis réveillé. Les chaussures s'étaient transformées en diamants. Un verre pour mon Jack D. Un verre pour mon Jack D. Godet, je suis pas un enfoiré. Toi-même, tu sais que ma bitch fait à l'hélicoptère comme Boleman. Avec une pièce de 100 francs, je t'ai fait la ferraille. Là, tu comprends pas, évidemment. Donc, je te remets dans mon enfantillage. Pourquoi tu me coupes le son? Je suis pas un sauvage. C'est Makaya, tu dois le respecter. Avec un ballon comme Bob Marley, il a trouvé des ce-pieds. Sur l'autoroute A3, il s'est baladé. Le ballon a glissé, glissé. Il faisait que ça a été. Au bon endroit, j'ai trouvé une pièce de 100 francs. Réunification de l'Afrique, évidemment. Nous, on n'est pas des enfants. On connaît l'Afrique, évidemment. Vas-y, il reste 6 minutes, okay, on doit kicker, on devait finir. Vas-y, c'était ça, c'était stylé, je suis sûr. Il faut que tu me l'envoies, je t'envoie mon mail même, si tu veux. Il est déjà sur le papier là-bas, l'autre, il doit m'envoyer des bêtes de sang, mais il le fera jamais. Alors, bon, on continue le programme, merci Makaya. Et Johan, c'est maintenant le tour de Johan. Johan qui va continuer à rebondir sur une autre... Bon, on est parti musique aujourd'hui sur Metanoia. On est bien parti musique, oui. Ah, après, on va faire le dialogue, mais comme on a des problèmes de piles avec notre mixette, fois ça se coupe et on revient. On va partir sur Black and Yellow maintenant avec mon gars Makaya là. Yaman, on est là. Micro, on est là. 1, 2, testicules comme ça. Ça va partir. On mettait une instru, s'il vous plaît. Une instru, on va poser une instru, c'est bon ? Ok. 1, 2, 3. Yeah, tu commences Makaya ou moi c'est moi? Non, vas-y, c'est toi, attends, t'es mon grand frère mon gars. Ok. Présente-toi déjà, tu connais. Top, au Cameroun, on est là, on n'est pas là, on est VIP, cousin, on veut des meufs recettes, on est des depuis longtemps, on pose un peu le Black and Yellow. Le Black and Yellow, c'est le cousin frère. Avec Makaya qui va te faire le sale. On est ça. Alors écoute-moi, négro, je vais te rappeler le morceau. Faut suivre le tempo. Alors on vous rappelle que je suis parti déjà à Eboro. Et sur mon visa, ils ont mis Yaoudé. Pour les condamner, les Camerounais, ou pour les représenter, parce que je dois ramener de la couleur, des valeurs, et dans l'Afrique, je dois briller comme un seigneur. Tu me reconnais, c'est Makaya, bouillon gabonais, petit castel avec mon pote Yo-Yo du Cameroun. Et les serpents, on sait ce que c'est sa mère jusqu'au mamba. Au bongo, il y a du bongo chez moi, du poulet, eh. Gorille, eh, on est ça, eh. Camerounais, on est les pas, eh. Nous c'est Etofis, on a marqué des buts comme pas possible, eh, eh. Moi je suis Johan, eh. MVP, eh. Toro Lamy, eh. Moi c'est Wakaya, Sergio Ramos, pour les papitulos. De l'autre côté, dans mon sebu, j'appelais pas ça, papa plus football. C'est pour ça que je t'ai demandé d'où tu venais, t'as mangé la poire, ma zénène, baragatai. Mais tu connais pas Clipoca, moi je l'ai jamais mangé. Je suis passé dans la transformerie à la télévision. Et dans la chaîne des animaux, et bien on prend les gens pour des cons. Eh, la petite chanson ça faisait. Dans la jungle des animaux, les sauvages deviennent souvent rigolos. J'en place une pour ma petite Samira, je ne sais même pas si elle existe, c'est pas des chiffres comme ça. Le gars est en instrumental, je passe le micro à Yo-Yo. A Yo-Yo qui est là pour eux, marié avec Makaya, eh. Makaya, c'est ça, eh. On est là, on est pas là, on vient dans ce monde. Eh, on s'en doit, on s'en fout, on tellement on est. On est un truc tellement on est, tellement on est. On est ça, eh. On est pour nous, on est pour nous, on est pour nous, on est pour nous. C'est ça les potes, c'est ça les potes, c'est ça les potes, c'est ça les potes, c'est ça les potes, tuer un enfant, tu me reconnais, c'est Makaya au volant de son pick-up comme un bébé. Tous les soirs, elle ramenait les enfants des tarés. Hey, j'ai eu un accident, j'ai failli tuer quelqu'un, mais je savais que je l'avais pas tué. Tu me reconnais, c'est ma tasse de l'autre côté, je suis bouillon gabonais. Il est pas gabonais, il est gabonais, hey. Huit piles, je t'empile. Oui, fiche d'empile, parce que l'énergie nucléaire a établi son empire sur la Terre, dans la main de quelques visionnaires. L'extermination de toutes ces forêts, grand espace vert. Et grand espace vert. Pour laisser place à tant de pétons, de plantes de goudrons. De goudrons, eh, on est les Halles, on est les Halles, on est les Halles, comme à châter les Halles, on n'est pas Halles, eh. Je peux pas tester les Camerounais épilés. Reggaeton, on est connexion familiale jusqu'aux ailleurs. J'étais à Lizzie Hotel avec sa sœur. Oh. Ça fait boum, baraboum, baraboum, barabam. Et toi tu rigoles alors t'as déjà trompé ta sœur. Boum, Bakaya. On a amené du rap, on a amené du vrai rap, on a amené, hein. On a, elle était là, la Sénégalaise famille là, c'était parfait, c'est très très bien, merci pour tout. Bon, Makaya, Johan à la voix et Carla Dune à la percussion. Attends, je vais dénoncer quelque chose en psychiatrie à Pontoise. Déjà, dans la cristalline, ils mettent le Loxapac. Et en plus, il y en a, ils font de l'électricité, t'as vu, dans la tête des gens pour oublier des trucs. Pourquoi ils n'ont pas essayé avec moi? J'aurais voulu. Tu voulais des électrochocs? Ouais, exactement. Qui sait, j'aurais peut-être oublié que j'avais une connexion parallèle entre là et là qui n'existait pas. Ouais. Et la musique, ça fait ça des fois. Hein. Ça connecte. Ah choses. Non, ça ne me connecte pas. Moi, je t'ai pris pour un con depuis tout à l'heure, donc arrête, s'il te plaît. Bon, si tu veux pas. Sinon, il y a l'électricité ici. Big up in Adinaïta. Ok, ok. Okay Johan, on a fait le show avec Makaya, comme on dit. On continue. C'est vrai. On peut partir sur un concert, mon pote, mais... Vas-y, Johan. C'est ça. On continue le programme. Il ne met rien. On continue le programme. Top, c'était génial. Merci ma soeur. Merci, bah oui. Merci, bah ouais. Bah, c'est la famille, hein, c'est la famille. Je viens à peine de le rencontrer, mais oh, on est loin, nous. Hein. Bon, on continue, Johan, le programme, s'il te plaît. On continue le programme, donc maintenant c'est Julien qui. Radio Métanoïa. Merci, Dune. Tu peux dire au revoir, tu prends le micro, tu dis au revoir. Écoutez, c'était formidable, magnifique. J'ai mon petit moment aussi, vous savez, je suis une petite fille parfois, hein, je suis très susceptible. Donc j'ai fait gnagnagnagnagna, je suis pas contente, je suis partie, je suis revenue. Voilà. Donc, et puis c'est reparti en folie, en feu. C'était magnifique, c'était génial, c'était top. Et je vous remercie à toutes les deux particulièrement, les deux perles dorées. Voilà, c'était un plaisir de vous voir. Et à mercredi prochain, surtout restez joyeux, restez rêveurs. Oula, wow, ça reprend vite. Ça reprend. Ouais, ouais, ouais. Juju, c'est à toi. Ouais, c'est à moi apparemment. C'est à toi apparemment. Okay. T'inquiète, je te mets ton instru. Ça et tu... marche. Ok, ça va partir, Juju. Yeah. T'es prêt? Vas-y. 1, 2, 3, c'est à toi, Juju. C'est parti. Eh, hey, mince. C'est ma chance. Juju, ça va partir pour toi, attention. Ok. Attends, ça va arriver. Pourquoi il a de l'effet lui. Ah, t'as mis de l'effet. Ok. C'est un mode, ouais, ça va partir. Allez. Encore. Tu viens. Donc on connecte les choses, on voulait dire un bonjour. Yo. Oh, merci beaucoup. C'est très bien que votre mercredi. Mais c'est bien, en plus tes sons c'est bien. Oui, ouais, excellent. Et là on attend le Johan, on connecte. Ouais, c'est, je sais pas, ça prend pas là. On, toi, a, on a plein de problèmes techniques, mais c'est pas grave, on est là, on avance. L'heure avance aussi, mais tous les auditeurs, vous pouvez nous appeler là, 06 58 49. 01 01 06 58 49 01 01, si vous voulez parler avec les métanoïaques en direct ici, certains qui partent, qui s'en vont, qui arrivent. Il y a Albert qui connecte son super micro vintage. Ah, ça commence à arriver, ça va arriver, attention. Non, ça continue, c'est pas fini, on a encore une demi-heure. Bon voilà Albert, tiens, on attend un peu que là y a Juju. Oui, on a des gens qui partent, des gens qui arrivent. Alors, il est prêt. Johan, est-ce que tu peux présenter qu'est-ce qui arrive là? Juju. Tu m'as niqué la chanson parce que ça commence maintenant. Tu peux remettre? Je remets. C'est Julien Carrado, plus de 15 000 streams, 653 auditeurs. C'est moi. Ouais, Juju, c'est parti. Yeah. Un jour de plus et tu n'es pas à mes côtés. Encore un jour où je vais finir bourré. Sans toi tes câlins, tes baisers, je me sens dispersé. À la recherche du bonheur éternel, sans savoir que je l'avais avec elle. Et si tout ça n'était qu'un putain de cauchemar. Je sais qu'il se fait tard. Alors je me retrouverai nez à nez avec Morphée. Je tomberai dans ses bras sans brutalité. Et je m'endormirai jusqu'à l'éternité. En espérant un jour pouvoir te retrouver. Et ce jour-là, je serai la réelle définition du bonheur. Quand tu resteras mon âme sœur. Qu'est-ce qu'on sera bien? Qu'est-ce qu'on sera bien? Finalement Morphée m'a délaissé. Et à mon réveil tu n'es toujours pas à mes côtés. J'en ai marre, je sens que je vais abandonner. La nuit porte conseil, c'est pour ça que je reste H24 en veille. Et depuis cette nuit j'ai peur, et depuis tous les jours je pleure. J'ai cette putain d'envie de partir sans pour autant fuir. Car je sais que tu resteras pour toujours ma ligne de mire. Oh là là. Et si tout ça n'était qu'un putain de cauchemar. Je sais qu'il se fait tard. Je sais qu'il se fait tard. Alors je me retrouverai nez à nez avec Morphée. Je tomberai dans ses bras sans brutalité. Et je m'endormirai jusqu'à l'éternité. En espérant pour un jour pouvoir te retrouver. Et ce jour-là, je serai la réelle définition du bonheur. Car toi seul restera mon âme sœur. Qu'est-ce qu'on sera bien? Qu'est-ce qu'on sera bien? Qu'est-ce qu'on sera bien? Aïe aïe aïe aïe aïe aïe, je continue sur cet instru-là. Laisse. Oh, j'allais continuer. T'as vu, on allait continuer là. Ya, yeah. Vas-y mon gars. Oh là là, j'ai vu le flow de Juju, ouais. Moi aussi, ouais. Il a ça dans les gènes. Il a ça dans les veines. T'inquiète pas, Les tatouages sont là pour ça, pour les ladies ou pas. On sait pas, on sait pas. Mais la loi du piercing, ils l'ont là-bas. Aïe aïe aïe. Aïe, aïe, aïe. Wouh. Oh Gigi, oh. En contrôle c'est ton instru, attention quand même. Oh, t'as un mot à dire sur ça? T'as un mot à dire sur ça quand même, sur ton instru? Hein? T'as un mot à dire sur ton instru? De quoi? Sur ton instru que t'as approuvé. Merci, merci. Comment t'as trouvé ce texte-là que t'as écrit? Comment j'ai écrit ce texte en 10 minutes. En 10 minutes? Sérieusement, ouais. 10 minutes? Sérieusement. En 10 minutes. Je n'arrivais pas à dormir, je me suis dit, il faut que je fasse un truc. Ah ouais. J'ai mis Type Beat, hop, je suis tombé sur cet instru et j'ai écrit ça en 10 minutes. Oh là là, applaudissons, applaudissons. Merci. Oh, beaucoup. Bravo. Bravo, mon pauvre. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe. Bon. Continuons. Bah Martin, c'est à ton tour. Tu veux nous parler de la guerre. Oui, enfin, pas de la guerre, c'est juste une petite théorie que pourquoi vous connaissez le mythe de Caïn et Abel? Ouais. Oui, Caïn et Abel. Attends, je parle de Caïn et Abel. Tu peux prendre un autre micro comme ça on peut dialoguer. Caïn et Abel, tu vois, c'est l'histoire des peuples pasteurs, des peuples sédentaires, des peuples nomades. Donc il paraît qu'il y avait des gens qui ont... Alors, on parlait de la guerre. Attends, monsieur voulait nous parler de la guerre. Après, ok, ok, j'ai pas entendu ce que tu as dit de la guerre. Martin, c'est parti, c'est parti. Non, c'est juste, je suis en train de parler un truc très ancien. D'accord. C'est au moment donné, le peuple sont arrêtés d'être nomades et sont devenus sédentaires. D'accord. Et les gens sédentaires ont commencé à cumuler. Qu'est-ce qu'est un sédentaire, Martin? Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est. Oui, tu as raison. Sédentaire, c'est quand les gens arrêtent de voyager. Ou arrêtent de manger. Ils s'installent, non, ils s'installent dans un lieu. Et ils stockent, comme aujourd'hui, les Russes stockent les céréales, d'accord, par exemple. Ils font des réserves, d'accord, comme les animaux. Voilà, okay, ils font du capital. Yes, yes. Si on le des capital, voilà. Du capital, ils font du chiffre, ils d'accord. Font de, voilà, ouais, ils comme font docteur Serra ici. Cumulation. Ouais, d'accord. Cumulation de choses. Et du coup, les gens qui continuent à voyager se sont vus avec un terrain qui avant appartenait à personne. Et ils se sont dit, voilà, mais ça, c'est une nourriture qu'il faut la partager. En fait, on t'a dit, le reggae man te dit, il y a ouvrez les frontières, le monde est apparu sur la terre pour les enfants de l'univers. Voilà. Donc c'est ça, en fait. C'est Donc en fait, c'est la vérité, on s'en fout de tes frontières, on sait qu'ici, il y a des régions, on sait qu'ici, tu vois, ici, là, dans le 93, t'as pas le droit de mettre la baffe dans le bus. Par contre, dans le 95, je mets la baffe à fond et je chante comme un ouf. Donc tu veux venir chez moi dans mon 9-5, il n'y a pas de souci, je t'invite au Jack D. Bon, j'essaye de parler un peu ça, mais c'est un peu tu veux parler histoire. De la guerre alors? Non, parle-nous de la vraie guerre actuelle. La guerre, actuelle, moi je parle de la guerre actuelle, moi. Non, pourquoi il y a la guerre en Ukraine? Question, Martin. Tu me laisses pourquoi il y a la. Non, on est en improvisation là. Je suis en train de parler d'autre non, chose. Non, mais tu es en train de parler d'un truc qui nous intéresse pas. La guerre à l'ancienne, bah ça si, nous intéresse. Il y a des gens plus. Qui s'intéressent. Allez, non, allez, allez. Non, parce que là, moi je t'ai déjà clashé, je t'ai déjà dit Adam et Ève. La terre appartient à Adam et Ève. Point barre. Ouais, je parlais des Caïn. Voilà, là, t'es parlé du blablabla qu'on s'en fout. Et l'homme venait du singe, t'as vu? D'accord. Non, je parlais sédentaire là, et nomade. Là, c'est le Camerounais qui se fout de ta gueule. Sédentaire et nomade. Mais bon, c'est pas grave, c'est juste ça. Là, je voulais juste te dire ça. Donc, on parle de la guerre actuelle. Je vais vous parler de la guerre actuelle. Alors, pourquoi il y a la guerre en Ukraine? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'évidemment, il y a de la prostitution, il y a de la pédophilie. Et puis, les mamans, et puis tout ça, elles font des trucs sales dans des vidéos avec leurs enfants. Et voilà pourquoi il y a la guerre en Ukraine. Donc moi, pourquoi je vais aller chercher les familles? Évidemment, parce que je suis transporteur, je suis capitaine d'un navire qu'on appelle un autobus et je suis capable d'aller en Ukraine et je suis capable de ramener moi-même mon 4x4 avec une équipe de tarés que je vais peut-être venir chercher ici en bas parce qu'on a l'air condamné plus que toi. Mais tu vas rentrer avec une malaria qui va te faire mal à la tête et tu ne te rendras plus demain parce que tomorrow is another day. Et chacun paye ses peines et chacun paye ses poids. Et c'est comme ça. Ok, on passe à super, Dieu merci. Et Allah. On va passer à Albert, qui on n'a pas entendu ta voix aujourd'hui, Albert. En plus, Albert, qui nous a amené son super micro, un AKG des années 70. Oh, mais là, il parle avec un autre micro, là. Ouais, là, il parle avec un... Attends, je t'entends pas. Vas-y, parle. J'ai déjà évoqué tout à l'heure l'histoire de la journaliste qui se fait virer de LCP. Vas-y. Mais c'était une très bonne journaliste. En plus, très attirante, si ça ne manque pas. Et je n'ai pas compris le litige qu'il oppose à son directeur de chaîne. Parce qu'il s'agissait de passer un documentaire et il a fait l'objection que quand on voit le documentaire, on a l'impression qu'il prend parti pour des vichistes. Parce que les vigistes, c'est les partisans du maréchal Pétain, de la collaboration. mais il fait partie de pas mal de gens finalement qui étaient sous couverture de Vichy, il faisait de la résistance en fait. Yes, I big up à la famille. Parce que dans la famille, on a Adolphe Le Breton, résistant, résistant, résistant. Alors, il m'a déstabilisé, lui. Hein. Et mais le sujet du documentaire est intéressant. Il s'agit d'un haut fonctionnaire de Vichy. Et il a en même temps, c'est celui, il était à la tête des renseignements. Et c'est lui qui avait inventé le numéro de sécurité sociale. Alors, sans doute, il a mal lu le documentaire, parce qu'il a cru que c'était un truc qui était pro-Pétain. Alors que le gars est plutôt un héros, puisqu'en plus, il a fini à Mauthausen. Donc, il n'y avait pas d'équivoque dans le documentaire. Peut-être qu'il cherchait un prétexte pour l'éloigner de la chaîne. Moi, je la regrette beaucoup parce que je suivais ses interviews, etc. Très brillante. Et puis, il y a un truc marrant, c'est qu'elle est née dans un hôpital psychiatrique. Oui, tout simplement parce que ses parents étaient soignants. Beaucoup. Alors, j'ai hâte de la revoir sur une chaîne politique comme LCP. Et on a l'impression que le quatrième pouvoir de la presse, il est en danger. Parce que si pour une raison ou une autre, on écarte des journalistes, ça sent mauvais. Quoi. Ouais, c'est ça. Okay. Voilà. Moi, je peux en placer une sur la politique. Ah, son nom, c'est Hélène Risser. Moi, je peux en placer une. Oui, ouais, parce qu'elle est trop bonne. Je peux en placer une. Elle est très, très, très bonne. Elle faisait un travail très important. Mettre un peu de volume. Merci, Albert. De rien. Merci, Albert. Bon, moi, j'ai quelque chose à dire, par contre. On t'entend bien. Non, on ne m'entend pas. Moi, j'aime bien m'entendre. Parce que... Non, tiens. Moi, là, je m'entends. Là, voilà. Alors, Aya Nakamura, ouais. Elle n'est pas grosse, les gars. Je vous jure, elle est fine comme ça. Et je l'ai vue en face de moi. Sérieux ? Je vous jure. Okay. C'est tel quel micro ? Ah, toi. Il n'y a pas de pile, celui-là. Vas-y. Ouais, donc je te disais. Ouais. Aya Nakamura. Aya Nakamura, ouais. Ouais. Il paraît qu'elle est grosse à la télé, un peu costaud comme ça. Là. Costaud, ouais. Tu vois, la télévision qui transforme là, les choses. C'est ça. Parce que moi, je l'ai vue en vrai à l'aquarium de Paname. Ok. Elle m'a fait un certain charme. J'ai fait une certaine folie, tu vois, mais j'avais un œil de chétan qu'on appelait la masturbation time. Tu vois, donc à l'heure actuelle, tu vois, je suis dans le philosophie hitlérienne, t'as vu, je suis en train de lui mettre sa race. D'accord. Parce que les Hitlériens, c'est quoi ? C'est des résistants avant tout. Ouais. Ils veulent la race pure. Bah, moi, je veux quoi ? La race pure. Tout. La race de la planète propre. D'accord. Donc, on nettoie la planète, mais on peut pas tuer tout le monde. Bah ouais. On tue les pédophiles, c'est tout. Et les zoophiles, on les condamne. C'est ça. Voilà. Donc, on revient sur le sujet d'actualité. Moi, je fermais la gueule des gens, la politicien, à la télé, ils parlaient même plus. Après, quand je veux jouer, pas en sport, en électronique, on me laisse pas. On me dit, va jouer sur papier. Après, quand je suis devant la télé en direct, peut-être que je vais gagner grave du pognon. Oula. Oui. Alors, est-ce que Marie-La, tu peux nous faire un peu de flûte ? Oui, c'était justement, c'est ton tour, j'ai vu dans le truc. Voilà. Marie-La, on va l'applaudir, mais déjà Marie-La, tu vas nous faire de la flûte aujourd'hui. Interne en psychiatrie, va nous faire. Et l'instrument aussi, ça se respecte. Voilà. Moi, je respecte les guitares et tout ça. J'ai fait 2-3 notes de piano. Quoi ? Sophie, tu veux chanter sur la flûte, Sophie, vas-y, c'est pour toi, Sophie. Alors moi, écoutez, moi, je suis invitée surprise de cette émission et je suis fascinée par votre capacité comme ça à improviser, à donner votre cœur, à chanter. Je suis bien incapable de faire ça en live. Donc je suis spectatrice, je vous écoute avec délice, mais je suis incapable de chanter dans un micro. Mais on va t'écouter. On va essayer, on peut essayer. Mais merci de m'inviter, de m'accueillir. Moi j'ai une idée, elle va jouer la flûte et nous on va l'accompagner petit à petit. En yaourt. On va accompagner. Allez, c'est parti. Okay. C'est parti. Fais quand tu veux. Allez. Quand tu veux. cordée. C'est juste de la fiction. Voilà, c'est, il y avait rien à faire pour par rapport à ça. On aurait dû filmer, c'est juste magnifique. C'était magnifique, c'était magnifique. Mais quel instrumentiste. Vous parlez français? Vous parlez français? Prenez un micro, prenez un micro, prenez un micro. Vous parlez français? Un peu français? Un peu français, c'est. Un peu? Vous avez appris à jouer de la flûte où? Flûte traversière. D'accord. Oui. Vous avez appris ça. Vous avez appris à jouer où depuis? J'ai appris la musique en Chili. En Chili, d'accord. D'accord. Quand il y a 10 ans. 11 ans, oui, 11 ans, d'accord. Et voilà. Ça vous a beaucoup enrichi, en tout cas. Bon, on va applaudir ça. Bravo, bravo encore. À Mariella, comme on dit. Attention, le micro là. Et Albert, ce micro, il faut le sortir. Oui. On va faire un dernier son avec mon gars Mariella. Allez-y. Ok. Vous avez 3 minutes et après. Ouais. Bon, allez. On profite que vous êtes là, les bons, les musiciens. Tu vas partir. Il va s'envoler. Vas-y. J'attends. Pour l'instant, j'ai mis. On va faire celle de tout à l'heure. Voilà. Johan et Makila. Makaya. Makaya et Johan. Un micro. Ok, quand vous voulez. Vous la qualité de Nutella est-elle vérifiée? Ça, c'est... Oui. Ouais. Rien à voir avec Nutella, en tout cas. Le Nutanayak. Voilà. Avant qu'il parte, on va mettre le feu. On va mettre le feu. Sérieux? Ok. Je m'appelle Yo, je viens bien de Bondi, bon, et moi, t'inquiète pas, avec Makaya, on prend le mic, t'inquiète pas, Yeah. Vu que t'as transformé mon nom, moi je m'appelle Makaya, Egras, alias MKZ pour les intimes, corbeau officiel, je te dédicace ce poème. Nous on n'est pas des rois, on mange la marijuana, on la fume depuis longtemps déjà. La forêt amazonienne, moi dans un verre de rasta, je l'ai demandé de venir à Ludovic, de venir prendre chez moi. Mais il s'est barré de l'hélicoptère, parce qu'à Inter de Mille, y'a les enfers. Y'a un petit frère qui est enfermé, je veux sortir Joy Tour de la cité. Tu connais ces papillons de mini from Gaboma, toi tu vas te coucher en chinois. Rrr, t'es un lapin, il paraît que tu branles vite, que t'éjacules vite sur ta chienne. En plus t'as l'anneau et t'as la finale. Moi je te la mets au final. On t'a grillé, on t'a téléphoné, t'es passé à la télé. Toi-même tu sais, c'est bouillon gabonais. Alors je vais la faire en douceur, pour les âmes et les cœurs. Moi je cherche pas l'âme sœur, je suis brillé jusqu'aux enfers. Aujourd'hui je suis en réflexion personnelle, sentimentale. J'ai des affaires à régler, des histoires de papier. Et mon refrain demande le micro, donc je vais lui donner. Oh Ah ouais, ah ouais, il a mis tout le turbo, ouais. T'inquiète pas, nous on est là dans le beat, ouais. On rap 50, ouais. Lui sa vie c'était le sale, ouais. T'inquiète pas, la street on la connaît, eh. Dans le 93, on est là, on n'est pas là pour rien, eh. On est là, on va un peu mettre le turbo, ouais. C'est ça les mecs des quartiers, eh ouais. Moi c'est Johan, on m'appelle du yo-yo. J'ai ça dans les veines, ouais. J'ai ça dans le tartare, t'inquiète pas, ouais. On renfonce la marijuana, t'inquiète pas, on est là dans le terre-terre. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. 50-50. Ok, dans ton verre j'ai mis la forêt amazonienne. On va voir si t'es qui la chienne. C'est qui la chienne? C'est qui la chienne? Peut-être la Haïtienne. La Haïtienne, la Cayenne, ouais. La Guyanaise ou la Camerounaise, les serpents camerounais, évidemment tu me reconnais, c'est le Mamba, le Kumba, l'éléphant du Gabon, tu me reconnais, c'est Makaya, Bouillon Gabonais, petit Castello Chaud, Jack au frais, réservé par Codez de le côté. C'est good, libère-toi, c'est good, libère-toi, t'es placé dans un hôtel, mais qu'est-ce qui se passe, ils t'ont pris pour fou. Ah. Sur la planète pour que les gens soient pas nets. Dans une philosophie d'internet, ils ont bloqué mon compte. J'suis venu demander des papiers à Maeva. Ils me l'ont coincé. Y'avait une dulcinée pour qui? Un Guyanais ou un enfoiré qui se prenait pour Dieu? Moi j'ai vu la scène. Le gars s'est levé, a dit: je suis Dieu. Je me rassois parce que moi je me crois pour un rasta. Moi je suis Makaya, bouillon gabonais au chuchotin. Agamuffin, j'suis dans le style, j'suis dans la paresse et j'suis dans l'égoïsme. Il paraît, tu me reconnais pas, j'suis là comme un gangster. Et puis c'est tout, je passe pas, j'suis un fantôme qui passe partout. Mais quand je te regarde dans les yeux, j'sais que t'as envie de kicker. Alors kick le mon refrain, vas-y, lâche ton bras, lâche-toi, c'est toi, c'est toi. Il a rappé comme pas possible, ouais, c'est moi. C'est pas moi, c'est moi yo. Ah, ça continue, ça continue, ça continue, ça continue. Moi c'est du yo-yo, c'est du yo-yo 237 de Cameroun. On est là-bas, on connaît les bières babassa. Oh, hey, ouais, poulon. C'était beau, hein? Oui, on a. Oui, allez-y. On va réélargir, c'était tellement beau. Dernière avant, allez, c'est bon, ça marche, c'est réparti. Dernière. Tu l'as mis, mets-le. C'est connecté, hein. Est-ce que vous seriez prêt à passer une heure par jour? On attend que ça passe la pub, là. La pub, ouais. Et tu me dis, je lance. C'est bon? Pom pom, pom pom, pom pom. Allez tout le monde, on fait pom pom. C'est pom pom girl. Pom pom, pet up. Pom pom, pet up, pet up. Pom pom, pet up. Pom pom, pet up. Pom pom, pet up. Pom pom, pom. Pam pam pet up. Les enfers, fringue dans ton verre. Il paraît que t'as mangé la forêt amazonienne. Donc, bois un peu de ton système. Je peux en boire un peu? Je peux en boire vas-y un peu? Bois. Non? Vas-y, bois. Vas-y, bois-le. Vas-y, bois-le. Vas-y, bois-le. Y'a la forêt amazonienne, mon gars. Je commence tout droit de la carte des pauvres. Pour 10 mois, on en a pas, ouais. On a vu Mbappé percer tellement. C'est chaud, ouais. Il a mis un but au Real Madrid. T'inquiète pas, il est pas parti là-bas. Tellement il sait qu'à Paris, on est des champions, ouais. On a ça dans les veines, ouais. On est ça, ouais. On vient de la West Coast, nous. T'inquiète pas, tout pas qu'il est parti en enfer. Mais t'inquiète pas, on a ça. Tomorrow is another day. Ok, alors il paraît que j'allais passer à la télé dans le futsal. Comme un taré, j'allais créer. J'allais cru être simplement un bon footballeur sur le terrain comme un amateur. Il paraît qu'on voulait faire signer dans un pays du Maghreb. Mais j'en ai pas la scène. Est-ce que je suis pas au foot? Je sais pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Fais-nous un mix. Je vais. Moi je sais que t'es un genre de foot, donc dis-moi ta place sur le terrain. Super, et moi je m'appelle Eto Fils, et toi? Moi je m'appelle tout simplement Michael le Breton et je porte un petit frère étoilé, il s'appelle lui. Évidemment Kylian le Breton, 16 ans. 22 meilleurs joueurs de Marseille, évidemment, il est en Bretagne pour check, respirer. Check la monnaie mama. Check la monnaie mama. Check la monnaie mama. La monnaie est dans le cœur, parfois. La monnaie, ouais. Ouais, il est Nico. Nico, il essaye de faire des mix sur la musique des Baptos, sur la musique des faux. Avec Arnaud, moi je suis là, Makaya, Boyang, Abonnet, je me prends pour ce que je suis. Adolphe le Breton, mon grand-père, je t'ai dédicace la souvrière des sapeurs-pompiers. La nuit du feu, je l'ai connu et moi j'aurais dû être pompier. Gagna pas Goussa, gagna Moutou, toi même tu me reconnais. Le capitaine Derani, je t'ai déclaré. Tu voulais que je baisse ta salope, c'est ta petite fille qui a choisi de t'arrêter. T'inquiète pas, moi, mon petit frère, c'est Picasso. Eh, Pablo Picasso, c'est un artiste. Mais nous, on est ça au Cameruno, Cameruno pectoro. Eh, oh, oh. Oh, Tupac nous a mis bien, t'inquiète pas, ouais. Écoute, je vais répondre à la question parce qu'évidemment, j'ai entré en connexion avec un Gabonais, il s'appelle Dada Ngobo. Et il y avait un autre frère camerounais que je faisais travailler. Il paraît que c'était moi son ingénieur et on est passé à la télé. Dans l'Union, on fait la force parce que le journal du Gabon s'appelle l'Union. Et puis moi, je suis en Haïti avec le t-shirt que j'ai réglé. Mon frère s'appelle l'Union, fait la force. Et aujourd'hui, je lui ai dit Union, fait la force, égalité, fraternité. Et puis, c'est love, Jamaïca, man. On est là, on est là, on n'est pas là pour rien dans ce monde, ouais. Faut faire la monnaie dans ce monde si tu veux exister dans cette ville-là, ouais. On a braqué les paques système. Ils sont là pour nous faire le que show, ouais. T'inquiète pas, on est là, on n'est pas là pour rien avec mon gars, sûr, sûr, sûr, sûr, sûr, sûr, sûr, sûr, sûr. Vas-y mamie, vas-y mamie. Ok, ça fait, j'ai mangé la police municipale à Dubon. Y'avait une Nouja Connect, ou plutôt un Nouja Connect. Avec une Nouja Foot Connect, il était malhonnête, il avait l'alliance. Alors écoute, moi j'entre dans la danse, j'ai déposé un couteau, cas où il se passe quelque chose. Ça mon gars. Et parce que tu me reconnais, je suis le fils d'Adolphe, le Breton, résistant, résistant. Résistant, résistant. Oui. Bon, Albert, tu reprends, Albert, tu reprends. Albert, à toi. Tu peux reprendre ton micro. Tu peux reprendre ton micro. Oui, vas-y, vas-y, prends celui que tu veux. On, nous deux, ça va, on est pas mal, hein, on est pas mal, hein, on est pas mal, hein. Ah, ça va être bon. Ouais, on essaie. Vas-y. Attends, attends, attends, vas-y, vas-y, t'entends. Ah, c'est ça. Ah, il a son écho, là, il est content. C'est l'homme des cavernes. Alors, Albert, qu'est-ce la prochaine, on va faire des prises de son. Hein. On va faire des prises. Oui. Oui, on a encore 3 minutes avant que ça finisse. On va mettre une petite chanson. Et on va faire. Albert, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ce que tu veux. Qu'est-ce qu'on va. Ben non, mais on va se dire qu'on a encore 2 minutes 30. Et puis on a surtout 2025 pour réagir parce que l'Afrique est en colère. Voilà. Ah, j'aimerais vous présenter quand même mon son à moi. Mon son à moi. Ah ouais. Ah oui. Ouais, j'ai pas un nouveau son, ça part de l'aube. Ça marche. Je vais mettre mon son à moi. Alors écoutez ça, c'est mon son que j'ai produit dans un studio. Regardez ça. On m'entend ? On m'entend ? Galère pour pomme gueule, elle s'avance sur moi, sous les effets des tropiques. Elle est tellement belle, y'a que toi, bébé. Pour moi, c'est un jeu de ta voix. La papillogueur est là. S'ambiance devant moi, je la foudroie, tellement elle est belle dans les quartiers nord. La gueule est pop-pop girl, elle s'avance sur moi, sous les effets des tropiques. Elle est tellement belle, y'a que toi, bébé. Je suis pas un rappeur pour rien, moi je suis Johan Enso et eh. Moi c'est ça, moi eh. Moi je viens du Cameroun, moi j'ai pas besoin de faire un freestyle eh. Moi ça vient, ça repart tellement j'ai ça dans le flow ouais. Moi je viens pas du 93 Yaoundé ouais. Pour dire bon c'est ma clique zère. C'est ma banlieue sale musique ouais. T'inquiète pas on est là ouais. On n'est pas là pour rien ma girl ouais. Ouais eh. Moi-même, je vais déclarer mon cœur à toutes les âmes sœurs. Je suis libre et je suis parfois ailleurs. Tu me reconnais, l'enfant roi qui peut choisir la sienne. Y'a même des chiens qui m'ont touché. Des femmes enceintes, j'ai libéré. Des placentas, je sais soigner. J'suis magnétiseur, hypnotiseur, j'suis loin d'être taré. T'inquiète pas, la gendarmerie, j'ai un commandant moi-même. La la la la la la la la. Moi c'est Yo Allen, so eh ouais. Là je te chante un son dans le tempo, ouais. Mais t'inquiète pas, mon flow c'est rap, hip hop. T'inquiète pas, on est là, cousin, pour te faire la misère dans ton flow, ouais. J'suis la merde, ouais, ouais, ouais, En fait, depuis tout à l'heure, tu traînes comme un chien et tu regrettes que j'avais craché dans ton verre. Mais t'avais parlé de la forêt amazonienne, bah moi je t'ai dit, les tribus là-bas c'est comme ça, mon gars, on boit le verre. Donc si ce soir tu veux pas prier tes enfers, j't'invite à Mata boire ton verre. Donc t'es pas amazonien et tu vas manger du coup de mien. Allez là, écoutez ça, écoutez ça, bientôt ça va bientôt finir, ça va bientôt finir, mon gars, ouais. Ouais, ouais. Tu es une vraie girl, ouais. Une vraie girl, ouais, ouais, ouais. On est là, on n'est pas là pour rien, ouais. Ça, mon nouveau titre, ouais. Eh, eh, eh. On est à la radio Matanoia avec mon girl. Je suis tout pour toi, ouais. Il y a eu ça, ouais, dans mon quotidien, ouais. Je suis parti soi-disant en psychiatrie, ouais. Mais t'inquiète pas, ma gueule, tu es là pour rien devant moi, ouais. On est là pas pour rien, on veut, on freestyle le tempo, ouais. On est ça, ouais, on est bien OP dans le RN. En fait, on veut qu'à partir de mercredi prochain, t'arrêtes ton cerveau, t'arrêtes ton micro. C'est moi qui fais l'animateur et je te dis ciao. Moi, je reprends plus la radio, c'est moi qui l'ai imposé. Le gardien est venu en sécurité pour voir c'était qui passait à la télé. Et bah écoute-le, il a mangé la forêt amazonienne, elle est dans son verre, il veut pas boire à ma table, il va prier jusqu'aux enfers parce qu'il m'a croisé.